La marche des sciences, Aurélie Luneau. C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux. J'ai toujours rêvé de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la marche des sciences. Je dirais tout de même que résister, à mon avis, c'est tout simplement exister. En fait, exister consiste à résister. Au moment où le petit enfant prend conscience de son existence, il dit non. Résister, c'est exister. Ainsi s'exprimait Germaine Tillion le 1er février 1975 sur France Culture, une femme dont le parcours en tant qu'ethnologue et résistante est plus que jamais à l'honneur. En effet, mercredi prochain, le 27 mai, au cœur de la Maison des Grands Hommes, quatre résistants de la Seconde Guerre mondiale vont faire leur entrée au Panthéon. Quatre destins symboles de courage et de résistance, quatre vies engagées au service des valeurs de la République. Geneviève de Gaulle-Antonioz, Pierre Brossolette, Jean Zay et Germaine Tillion. Germaine Tillion, femme de science et femme d'action, qui a marqué son siècle. Mais si la vie de la résistante a beaucoup retenu l'attention, l'œuvre scientifique de cet ethnologue de renom est à redécouvrir. Car dans cette quête de vérité, qui fut le moteur de Germaine Tillion, c'est toute une historiographie, c'est toute une ethnographie minutieuse qu'elle a su développer et instituer en exemple. Retour donc sur la vie et l'œuvre de Germaine Tillion qui cherchait avant tout à mieux connaître les autres pour se connaître soi-même, à savoir avant de juger et d'agir dans une quête du vrai et du juste qu'elle a toujours menée. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio de France Culture en direct nos deux invités, l'ethnologue du musée de l'Homme Françoise Aubel, qui est également au département d'ethnobiologie et qui travaille sur le monde musulman, et à nos côtés l'historien essayiste Todorov, président de l'association Germaine Tillion et auteur de nombreux livres sur cette femme hors du commun, notamment Germaine Tillion, La pensée en action, paru chez Textuel et Lina. Et dans cette première partie d'émission, vous entendrez la voix de notre héroïne grâce aux nombreuses archives sonores de Lina, choisies par Anaï Morales et Marie Chauveau. Puis en seconde partie d'émission, vers 14h45, place à la carte blanche de Catherine Decopé, qui nous présentera quelques pépites du salon Culture et Jeux Mathématiques. Un salon qui se tiendra à Paris les 28, 29 et 30 mai prochains, avec comme parrain l'astrophysicien, écrivain et poète Jean-Pierre Luminet. Mais tout de suite, les honneurs du Panthéon pour une ethnologue, Germaine Tillion. L'ethnographie est quelque chose de tellement passionnant, de tellement essentiel, que je me suis toujours appliqué à écrire tout ce que j'ai écrit dans le français le plus simple. Tellement je suis désireuse que les gens qui ne sont pas des spécialistes puissent le lire. Je considère que l'ethnographie, c'est l'ABC de la civilisation de demain. Parce que notre premier devoir dans l'état actuel du monde, c'est de comprendre les sociétés différentes des nôtres et de les accueillir et de leur ouvrir notre intelligence et notre amitié. Et réciproquement. Bonjour Françoise Aubel. Bonjour. Bonjour Zvetan Todorov. Alors, Germaine Tillion, c'est une femme que vous avez connue, et l'un et l'autre, donc une vie engagée au service des valeurs de la République et qui devient aujourd'hui un repère, un exemple inscrit dans la mémoire collective avec cette entrée au Panthéon, une entrée formidable, en tout cas bien évidemment plus que justifiée par le parcours de cette femme d'exception, Zvetan Todorov. Effectivement, elle entre au Panthéon à cause de son engagement dans la résistance, le fait qu'elle ait été déportée, qu'elle ait survécu, mais peut-être plus encore que ses trois camarades qui entrent en même temps, elle a une longue vie engagée dans l'action publique. Et jusque ces derniers jours, puisqu'elle avait eu la chance de vivre 101 ans. et qu'elle n'est décédée qu'en 2008. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de moments exemplaires dans cette existence. Françoise Bell ? Oui, absolument. Je dirais même que, au moment où elle était à Ravensbrück, elle a agi de façon tellement... en prenant distance par rapport justement aux horreurs que tout le monde vivait, que toutes ces femmes vivaient, et elle a étudié, bon ça Svetlana le dira aussi, étudié extraordinairement ce camp comme une grande entreprise économique. Ça c'est une chose. Et puis à la fin, elle a étudié elle a essayé de recueillir les noms de toutes les femmes qui étaient passées dans ce camp. Elle en a recueilli 7000, à peu près, avec leurs noms. Et ensuite, elle a essayé, revenant en France, elle a essayé de prendre contact avec toutes ces familles. Et ça, elle a fait un travail tout à fait extraordinaire, qui n'est pas un travail de résistante, mais qui est un travail qui donne une image de la résistance. Et elle a voulu vraiment aider toutes ces personnes. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. C'est le fil conducteur de la Marche des Sciences aussi aujourd'hui, Svetlana Todorov, c'est de non pas regarder Germaine Tillion uniquement comme cette femme résistante et à travers ce parcours et sa traversée de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est de se dire que du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de son entrée en ethnologie jusqu'à son décès, c'est que elle a été véritablement une scientifique, une ethnologue, une ethnographe aussi, une anthropologue, une sociologue. Elle a multiplié aussi les casquettes finalement, mais toujours dans cette soif de connaissance et avec un engagement public au nom de la vérité et de la justice. Son engagement dans l'ethnologie commence d'abord bien sûr par ses études. Elle étudie l'ethnologie à la fin des années 20, au début des années 30. Et puis elle a la chance de recevoir une bourse pour aller étudier la vie des femmes, c'est cela un peu l'objet particulier, et l'étudier dans la région de l'Aurès, c'est-à-dire dans l'est algérien, aux confins du Sahara. Elle va rester de 1934 à 1940, avec des interruptions, mais au cours de plusieurs longues missions. Et donc, elle va accumuler énormément de matériaux à ce moment. Mais le jour où elle rentre, la France s'effondre. Elle rentre le 9 juin 1940, et le 10, Paris est évacué parce que c'est la débâcle, et qu'on pense qu'on entre dans une longue guerre qu'on va conduire à partir du sud de la France pour contenir les armées allemandes. Elle découvre très rapidement qu'il n'en est rien, que la France se rend, demande l'armistice. Et dans les années qui suivent, elle continue pourtant à travailler sur sa thèse, parce qu'elle est engagée dans l'écriture d'une thèse avec Marcel Mauss et Louis Massignon, qui sont ses deux maîtres. Cela continue pendant un bon moment, d'abord tant qu'elle est en liberté. À ces moments libres, elle s'occupe de cela. Mais ensuite, même quand elle est en prison, elle obtient, après plusieurs mois d'emprisonnement dans l'isolement, elle obtient l'autorisation de reprendre ses manuscrits. Et elle mène sa thèse jusqu'à l'achèvement, jusqu'à ce jour où, en octobre 1943, on les déporte en Allemagne, à Ravensbrück. Elle emporte sa thèse avec elle. Et là, c'est une petite tragédie, mais peut-être pas vraiment. La thèse disparaît, sans laisser aucune trace. Mais elle a toujours été cette femme scientifique, cette ethnologue, quelles que soient les épreuves, et elle a toujours fait œuvre d'ethnologue dans toutes ces circonstances. Elle avait une curiosité vissée au corps, parce qu'elle a raconté que finalement son entrée en ethnologie, c'était sa curiosité, son envie de partir loin. Vous parliez de Marcel Mauss à l'école des hautes études, dont elle suit passionnément les cours, et puis le musée de l'homme, et puis effectivement Louis Massignon, et en 34, donc avec cette bourse, elle part étudier la population berbère dans les Aurès, donc les Chaouias. Elle y effectuera 4 longs terrains quand même. Et je vous propose, avant d'aller plus loin, d'écouter justement sa voix et par sa voix, sa méthode. Parce que dans ses premières années, elle a quand même mis en place une technique, une méthode. Elle a senti les choses aussi. C'est qu'elle n'a pas établi un schéma ou préétabli ou utilisé des schémas que d'autres pouvaient utiliser. Mais en sentant le terrain, en étant au plus près de l'humain, elle a véritablement fait œuvre de scientifique à sa manière. On l'écoute. C'était un témoignage donné dans l'émission Nuit Magnétique le 27 octobre 1989. Mes premiers contacts avec les compteurs Chaouya a été de ne poser aucune question. C'était eux qui m'en posaient et moi qui répondais. Et quand j'avais répondu à leurs questions, à ce moment-là, eux, je ne pouvais pas arriver à les faire taire, tellement ils avaient de choses à me dire. Mais au départ, je m'étais interdit de poser des questions. Je trouvais ça indiscret. J'étais quelqu'un de très discret et de respectueux. Eux, ils avaient très envie, tous les gens, tout le monde a envie de parler de soi, à condition qu'on ne vous le demande pas. Comme je ne leur demandais pas, ils arrêtaient pas de me raconter toutes leurs histoires. Et moi, je prenais des notes. Je prenais des notes et je les classais. J'avais acheté des cahiers Homorine. Ça existait déjà avec des petits anneaux. Et je mettais toujours à gauche le nom de l'informateur et la date de l'information. Au milieu, le mot typique qui caractérisait l'histoire. Et à droite, le nom de ce que nous n'appellerons pas une tribu, mais nous appellerons un village, le lieu dont il était originaire. Ça me permettait de classer mes documents d'une façon logique. Alors avec mon classement logique, je pouvais ensuite me débrouiller pour réfléchir, pour me constituer un vocabulaire cohérent, pour me poser des questions à moi-même, et pour ensuite, quand nous avons été beaucoup plus copains, pour poser des questions à tous ceux qui venaient me voir. Françoise Aubel, est-ce qu'il y avait une méthode, Germaine Tillion, vraiment précisément la sienne ? Bon, elle a certainement affiné la méthode, mais elle avait été quand même l'étudiante de Mauss. À l'Institut d'ethnologie de Mauss, oui. qui était un homme qui parlait, qui n'écrivait pas, mais qui parlait. Et donc, ses étudiants ont rédigé ce petit manuel Mauss, qui est encore très utilisé par les ethnologues, et qui montre quel regard il faut avoir sur toutes les choses. Et en fait, elle a compris qu'il fallait étudier la vie quotidienne. Et la vie quotidienne, dans tous ses aspects, social, religieux, économique, etc. Et donc, c'est ça qu'elle a fait, tout en étant très attentive au vocabulaire. Elle notait parfaitement les noms. Elle avait pris des cours de linguistique. Oui, mais le berbère, finalement. Le berbère et la façon de le noter. Et, oui. Et elle était extrêmement précise. Elle avait également pris des cours de psychologie. Avant de commencer l'ethnologie, oui, avec Mauss, elle avait fait plein d'études d'histoire de l'art, de la préhistoire, l'archéologie, je crois aussi. Des tas de choses. Elle avait vraiment appris énormément de choses. Le celte également, enfin bon, l'épigraphie sémitique. Enfin, donc, elle avait déjà une culture extrêmement large. Et elle s'est adaptée tout de suite à cette société. Et d'ailleurs, elle dit quelque chose d'assez rigolo au départ. Elle disait, je voulais partir travailler chez les Papous, chez les Aïnous, oui, plus loin que les Aurès, beaucoup en tout plus cas. Loin et voir des choses beaucoup plus différentes. Et elle s'est trouvée chez des gens qui étaient proches d'elle. Et en fait, elle disait, c'était des paysans comme ceux que j'ai connus dans les montagnes de l'Auvergne, exactement, avec les mêmes problèmes, avec les mêmes... Et donc, elle a étudié. Et d'abord, justement, ça me fait penser à ce qu'elle dit. Elle regarde et elle étudie tous les objets et même les objets des enfants. Les poupées sont très importantes parce que les poupées donnent des informations. Toutes ces poupées sont nommées évidemment et donnent des informations sur les relations familiales qu'il y a entre les enfants qui sont parfois de clans différents et qui réagissent justement. Et donc ça lui a appris énormément de choses. Elle a beaucoup travaillé pour décrypter toutes ces structures sociales et familiales. Absolument, finalement. Absolument, ouais. Absolument. Elle était très, très, très, très, très attentive à tout cela. Et elle a été, elle a étudié la société d'une façon excessivement précise. Mmh. Et comme elle s'attachait beaucoup à l'économie, elle a travaillé sur les transactions marchandes, oui. Comment on vendait, ce qu'on vendait, le temps que l'on mettait pour aller à son travail, mm-hmm. les rapports qu'il y avait entre la semence et la récolte, enfin toute une série de choses extrêmement précises, et elle a tout pu noter en temps, en heure, en francs, etc. Mmh. Et je dirais que ça a été extrêmement utile lorsqu'elle est rentrée, justement, parce qu'elle avait des chiffres justement très très précis. C'était des gens qui étaient pauvres, mais qui n'étaient pas malheureux. Ils vivaient la vie qu'ils avaient, le système oui. de vie qu'ils avaient leur donnait suffisamment pour vivre. Oui, par contre, ce qu'elle a montré, c'est qu'effectivement, quand il y a le passage des paysans à la ville, là, il y a ce qu'elle appelait clochardisation et le malheur peut arriver à ce moment-là. Absolument, absolument. Oui. Svetlana Todorov, donc, elle a écrit elle-même hein, en disant « Toute ma vie, j'ai voulu comprendre la nature humaine, le monde dans lequel je vivais. » Parce que pour elle, finalement, l'ethnologie, c'était ce dialogue avec une autre culture, d'abord, puis après, comme elle explique, une remise en question de soi et de l'autre, et enfin une confrontation qui dépasse soi et l'autre. Effectivement, et Germaine Tillon a évolué depuis la première période dont on vient de parler, d'avant la guerre, pendant laquelle elle était, disons, une brillante disciple de Marcel Mauss. Mmh. Elle marchait dans les pas de Marcel Mauss avec beaucoup de perspicacité, et Mauss, dans sa correspondance oui. avec elle, qui existe, qui subsiste, apprécie justement cette ouverture d'esprit qui fait qu'elle ne pose pas de questions, mais formule à partir de ce que formule les conclusions, à partir de ce qu'on va lui dire spontanément. Mais il y a quelque chose d'encore plus intéressant, c'est que au lendemain de la guerre, elle va faire de nouveaux pas dans la direction d'une méthodologie nouvelle de l'ethnologie. Seulement, cette révolution qui va s'opérer dans son esprit ne se traduit pas dans un livre immédiatement, parce que elle est prise très fortement par l'étude historique. Au cours de ces années, elle essaye de faire de l'histoire immédiate, l'histoire de la résistance, l'histoire de la déportation. Entre 1945 et 1954, c'est ça, elle rassemble de la documentation mais et elle essaie réalité, de comprendre. De temps en temps, elle revient vers l'ethnologie et elle découvre un phénomène étrange. Alors même qu'elle n'a recueilli aucune nouvelle information sur les Shaouya, elle s'aperçoit que son interprétation de la matière qu'elle avait collectée avant-guerre a changé. Et si elle a changé, ce n'est pas parce qu'elle a eu de nouvelles informations, c'est parce qu'elle-même a changé. Parce qu'elle a décentré son regard, parce qu'elle a affiné sa grille de déchiffrement entre voilà. 1940 et 1945. Exactement. Et à cause de cela, Germaine Tillon a petit à petit élaboré une nouvelle théorie de l'ethnologie en disant... Il y a deux apprentissages, et non pas un seul, du métier d'ethnologue. L'un, c'est d'aller observer la population qu'on veut étudier, mais l'autre, c'est d'affiner son propre appareil conceptuel et de réflexion. Et en réalité, veut-elle dire, ce que j'ai appris en Algérie, mais tout autant utile que ce que j'ai appris à Ravensbrück. En fait, Ravensbrück, elle a pu utiliser la méthode ethnologique pour se défendre, mais ensuite, elle décide de modifier la méthode ethnologique par ce qu'elle a appris à Ravensbrück. Elle va rédiger le projet d'un livre à ce moment, au moment où elle est élue directeur d'études aux hautes études, c'est-à-dire en 1958, qu'elle veut intituler « L'apprentissage en sciences humaines ». Et puis elle y renonce. Donc on ne trouve que les manuscrits, les brouillons, que nous avons publié depuis sous le titre « Fragments de vie », dans lequel on trouve justement ces textes rédigés à ce moment. Un livre paru au Seuil. Hein, il est paru au Seuil au lendemain de sa mort, oui. Parce que c'était des manuscrits inédits. Et dans cette étude, elle explique qu'on ne peut jamais atteindre l'objectivité pure qui, en cette période, à ce moment, au tout début des années 60, était un peu le rêve de tous les ethnologues et de tous les sciences humaines. Oui. Moi-même, c'est le moment où je suis arrivé en France et où je subissais en plein cet esprit, cette vogue. Et Germaine Tillion disait le contraire. Elle disait, eh bien, il y a une part de subjectivité qui est inaliénable, qu'on ne peut pas supprimer, qu'on ne peut pas éliminer. Et c'est cela qui fait le véritable ethnologue. Eh bien, on va la retrouver justement dans tous ces témoignages, dans ce parcours et notamment cette période de la Seconde Guerre mondiale qui marque là un temps et une autre façon pour elle de concevoir l'ethnologie. En tout cas, cette méthode d'enquête et de réflexion qui est née aussi des épreuves. Voici ce qu'elle disait au micro de Patrice Gélinet pour l'Histoire en direct. C'était le 4 avril 1988. L'arrivée au camp est quelque chose qui est absolument inoubliable, mais qui peut difficilement se décrire, parce que, si vous voulez, il y a une perception globale de l'horreur. C'est très difficile à restituer avec des mots. Aucune description ne peut restituer réellement l'impression, la perception de la mort. Mais la mort... Beaucoup de déportés ont parlé justement du visage, des gens qui étaient déjà là. Et c'est en voyant ces visages qu'ils ont compris que tout était fini. Peut-être l'odeur, peut-être la perception de la mort, oui, c'est ça, quelque chose comme ça. Et je vous propose d'écouter tout de suite un autre document sonore qui va nous permettre justement d'avancer dans cette réflexion. C'était un témoignage qu'elle a livré dans l'émission À Voix Nue avec Jean Lacouture le 15 janvier 1997. Tout de suite, nous avons été mises en quarantaine. Et dans le bloc de quarantaine où nous trouvions, il y avait des Tchèques qui arrivaient d'Auschwitz, et par conséquent qui nous ont raconté Auschwitz tout de suite. Ce qui fait que dans les 8 jours qui ont suivi mon arrivée, j'ai su ce qu'était le système concentrationnaire et l'extermination, et aussi l'extermination juive, qui était une chose qu'on soupçonnait comme étant des brimades, mais pas comme étant un système mécanique de tuer en série. Pour moi, le génocide s'est dévoilé à Ravensbrück, donc en novembre 1943. Je rappelle les dates peut-être pour les auditeurs hein, avant d'aller plus loin. Donc elle fait partie d'un réseau de résistance qu'elle nommera elle-même réseau du musée de l'homme après la guerre. Hein. Donc elle fait partie de ce réseau. Elle est arrêtée le 13 août 1942. Donc elle subira la prison de la santé jusqu'en janvier 43. Et puis de janvier 43 à octobre 44, elle sera à Fresnes. Et ensuite d'octobre 43 à avril 45, c'est le camp de Ravensbrück. Voilà, où elle est NN, Nacht und Nebel, nuit et brouillard. Finalement, on se rend compte que dès qu'elle arrive dans ce camp, elle-même cherche à avoir des informations, donc s'informer, étudier cette barbarie humaine au sein du camp, être alors témoin, historien, mais surtout, elle a cette capacité à traverser le mal avec la distance de l'ethnologue. Françoise Aubel. Oui, absolument. Elle a tout de suite, enfin tout de suite, je ne sais pas, Mais assez rapidement, elle comprend le fonctionnement, elle a les informations, elle sait comment aller les récupérer, les chercher auprès d'autres prisonnières qui, elles, peuvent traduire, etc. C'est ça. Et justement, le fait qu'elle communique avec les personnes dont elle a les informations, elle les communique immédiatement à tout le monde. Et cela, tout le monde a reconnu que c'était une force, qu'elle leur donnait une force extraordinaire pour résister résister à la barbarie qui les entourait. Savoir le but de ce camp, savoir la façon dont cela fonctionnait, ça les a protéger et aider et protéger pour ce pour survivre, en fait. Oui, pour survivre. Svetlana Todorov, hein, oui. Elle donne même une conférence auprès des autres prisonnières, et puis comme elle l'a écrit, hein, comprendre une mécanique qui vous écrase, démonter mentalement ses ressorts, envisager dans tous ses détails une situation apparemment désespérée, c'est une puissante source de sang-froid, de sérénité et de force de l'âme. Rien n'est plus effrayant que l'absurde. Ce qui est frappant, c'est que ses camarades de détention ont formulé tout à fait les mêmes conclusions. Elles se souviennent bien de cette conférence, entre guillemets, qu'elle a faite entre plusieurs baraques, au cours desquelles elle a expliqué le fonctionnement des camps et comment ça a pu les aider à mieux résister. Il faut dire que l'un des objectifs de Germain Tillion, c'est de permettre aux détenus de ne pas vivre pleinement et exclusivement dans l'expérience qui leur était imposée, d'introduire une sorte de distance entre le vécu immédiat et elle-même. Et elle y parvient par cette double voie, d'une part en faisant de cette expérience l'objet d'une étude scientifique, et donc tout le monde comprend que nous ne sommes pas juste des personnes qui souffrent là, mais nous sommes un élément d'une dans connaissance. Et puis dans une mécanique de l'extermination par le travail, et elle sent qu'en exposant et en éclairant les femmes qui sont avec elle, elle leur donne de la force. Elle leur donne de la force, et puis elle trouve un second moyen, qui est plus surprenant encore dans ce contexte, et c'est d'écrire une opérette dans laquelle elle représente la vie des détenus sous un jour humoristique. Là aussi, les détenus se reconnaissent, bien sûr, ce sont leurs aventures, mais elles se reconnaissent dans une sorte de caricature, dans une sorte de pastiche, et ça leur permet de se voir comme de l'extérieur. Oui. Et cela leur donne des forces pour résister aussi. Donc cette opérette qu'elle a appelée le Verfügbar aux enfers, c'est-à-dire le corvéable aux enfers, hein, quand on traduit. Oui, c'est ça. L'humour et l'impertinence qui la caractérisaient, y compris dans l'horreur de l'horreur. Oui, déjà en prison, elle avait donné des preuves de cela dans une lettre désopilante qu'elle adressait au président du tribunal, qui est une sorte de chef-d'œuvre rhétorique de moquerie latente de ceux qui l'accusent. Et puis, à Ravensbrück, cette incroyable opérette, le texte peut-être le plus singulier qui soit sorti des camps de concentration. Est-ce qu'elle s'est confiée à vous, Svetlana Todorov, en vous disant que finalement, par son métier, par sa profession, elle s'était sauvée elle-même? Est-ce que parce que elle subissait, elle était affaiblie? Non, elle n'aurait jamais dit qu'elle s'est sauvée elle-même. Non. Elle disait qu'elle devait son salut au fil invisible de l'amitié et l'entraide, dont bien sûr, tout au sein le camp du camp était tissé. Et je pense que c'est particulièrement vrai d'après les témoignages que je connais des camps de femmes, qu'il y a eu une entraide, une camaraderie, une sororité particulièrement vive qui a permis à un plus grand nombre, tout est relatif bien sûr, de survivre. Ça, c'est sûr, cette entraide, on aura l'occasion d'entendre Germaine Tillion tout à l'heure, mais en tout cas, cette capacité mentale aussi, et puis cette pensée scientifique, finalement, qu'elle met en œuvre, mais qui, on peut imaginer aussi, dans cet univers concentrationnaire et d'extermination, pouvait peut-être malgré tout, même si elle l'a pas dit, ou consciemment ou inconsciemment, l'aider elle-même à dépasser sûr, tout ça, bien sûr. Elle-même. Mais c'était pas la science pour la science, c'était la science pour aider les êtres humains. Et la science au service de l'humain. Et ça va continuer ainsi jusqu'à la fin de sa vie. Oui. Elle était d'une très très grande générosité, et ça c'était tout à fait extraordinaire. Elle faisait des conférences, toutes sortes de conférences, sur l'histoire de l'homme, sur l'ethnologie des papous, enfin elle faisait des conférences de toutes sortes pour essayer de sortir également, comme vous disiez exactement, pour essayer de les faire sortir de ces moments, de l'immédiat souffrance. Absolument. En tout cas, donc après-guerre, 45-54, on l'a dit, Svetlana Todorova, donc elle va rassembler de la documentation sur la résistance et la déportation pour comprendre comment un peuple plus éduqué que la moyenne avait pu sombrer dans une telle démence, comme elle l'a expliqué. Il y aura l'enquête menée avec David Rousset aussi à la Commission internationale contre le système concentrationnaire. Donc elle va aussi plonger dans les systèmes concentrationnaires soviétiques, les procédés tortionnaires, on ne pourra pas parler de tout aujourd'hui, mais parfois elle avait un sentiment de pitié vis-à-vis de ceux qui étaient devenus des prisonniers. Finalement, les anciens tortionnaires, elle les voyait désormais comme des prisonniers. Là, c'est ce que vous disiez, ça recoupe le côté très humain qu'elle avait, y compris en dépassant ce regard sur les anciens tortionnaires. Et puis, donc toujours cette volonté de comprendre et d'expliquer la violence, cette exigence de vérité. On la retrouve dans un témoignage, parce qu'à partir de 1954, ça va être le retour en Algérie pour elle. Et jusqu'en 1957, elle va s'évertuer à lutter contre la misère et puis contre les horreurs qu'elle va constater. On l'écoute. Mémoire du siècle, donc une archive de l'INA, 29 juillet 1987. Nous étions quelques patriotes français qui avions durement subi l'occupation de 40, qui avions à ce moment-là une idée de la France qui n'était pas l'idée d'un pays tortionnaire. Et quand nous avons su ce qui se passait en 57, à partir de janvier 57 à Alger, c'est-à-dire la généralisation de la torture, nous avons cherché comment arrêter les dégâts. Et alors, c'est David Rousset qui a eu l'idée de faire une enquête internationale dans les camps et prisons d'Algérie. Alors, nous sommes partis pendant un mois, et pendant un mois, nous avons visité tous les camps et toutes les prisons d'Algérie. Pour moi, qui avais créé les centres sociaux entre-temps et qui connaissais personnellement, au fond, toute l'élite pensante de l'Algérie, je les retrouvais dans les prisons et ils m'ont retrouvé comme étant quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Et j'étais déchirée, vraiment, par ce que j'ai vu et entendu. Chant de femme des Aurès, chanté par Markounda Aurès, et qui avait d'ailleurs chanté à l'enterrement de Germaine Tillion, Svetlana Todorova. C'est votre choix aujourd'hui pour la Marche des Sciences. Oui, je suis très heureux qu'on puisse diffuser cette musique qui ne nous est pas très familière, mais que Germaine Tillion connaissait très bien et appréciait. Et c'est la suite de la Marche des Sciences sur France Culture, en compagnie donc de l'ethnologue du Musée de l'Homme, Françoise Aubel, et de l'historien essayiste Svetlana Todorova, président de l'association Germaine Tillion. Et ensemble, nous sommes rassemblés pour comprendre le parcours, la mémoire et l'œuvre scientifique de celle qui fera son entrée au Panthéon mercredi prochain avec trois autres résistants, Geneviève de Gaulle-Antonios, Pierre Brossolette et Jean Zay, et donc l'ethnologue Germaine Tillion. Une exposition, d'ailleurs, c'est à signaler, leur est consacrée au Panthéon, jusqu'au 10 janvier 2016. On a entendu effectivement là ce chant donc des Aurès. On a compris que Germaine Tillion avait été partie prenante. Elle a tenté dans cette guerre d'Algérie là aussi de réduire les horreurs, de limiter la misère, de s'impliquer sur l'humain d'un côté comme de l'autre. Elle avait pensé peut-être jouer un rôle par rapport aux tortures. Elle a été marquée par cette guerre et en même temps, elle n'a pas cherché forcément à prendre une position plus qu'une autre. Son engagement dans la guerre d'Algérie se divise vraiment en deux périodes. Oui. La première va de l'automne-hiver 54 jusqu'à la bataille d'Alger, ce qu'on appelle la bataille d'Alger. C'est-à-dire début 57. Et pendant cette période, son grand engagement consiste à inventer une institution nouvelle qu'elle appelle les centres sociaux, dont le but est de donner des éléments d'un nouveau métier, des éléments de connaissances médicales, administratives, techniques, à toute la population, garçons et filles, enfants et adultes. Donc, en quelque sorte, elle cherche à remonter aux origines du conflit, ce qui est, à ses yeux, l'extrême misère, l'impossibilité pour la population de s'adapter. Mais à partir du printemps 57, elle découvre que le conflit a atteint une telle intensité qu'il n'est plus possible de guérir le malade et que tout ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut faire de mieux, c'est d'empêcher l'extrême violence, de faire baisser la violence d'un cran. Et pour cela, elle se donne tout entière à la tentative de sauver des vies humaines. Cela veut dire arracher à la peine de mort ceux qui sont condamnés, arracher aussi à la torture, mais aussi à empêcher que les attentats aveugles du FLN aient lieu. Et donc, pour cette raison, elle entre en contact avec la direction de militaire de la zone d'Alger, du côté FLN, pour essayer de les convaincre de baisser d'un cran la violence. Et probablement, bien sûr, elle ne parvient pas à arrêter la guerre, mais elle arrive à sauver des dizaines et peut-être même plutôt des centaines de vies d'individus. Donc, au cours de cette dernière période, elle ne propose pas une solution politique au conflit, elle propose une solution purement humaine. Oui. Françoise Bell, elle nous a laissé des témoignages, des écrits aussi. Il faut parler de ces livres qu'on lui doit. Alors bon, bien sûr, il était une fois l'ethnographie, mais surtout le harem et les cousins, parce que tout ça, c'est dans la même continuité. Hein. C'est en 1966, elle écrit ce livre, mais ce livre, c'est un livre qui effectivement qui part de loin. Oui, absolument. Bon, elle s'intéressait beaucoup aux femmes. Ça a toujours été une... Sans être féministe du tout. Mais elle s'intéressait beaucoup à la situation des femmes. C'est tout à fait normal. Et en 61, l'OMS lui demande un rapport sur la situation des femmes dans le monde musulman. Donc, elle a été au Maghreb, elle a été dans les trois pays du Maghreb, en Égypte, et puis au Moyen-Orient. Et le livre qui sort de cette grande enquête en fait est très différent. Il est en fait, certes, on peut le résumer de façon très très rapide en disant que ce soit d'ailleurs au nord ou au sud, les femmes sont toujours. Nous sommes dans une société. Ce sont des sociétés où l'homme est dominant et les femmes sont vraiment celles qui doivent rester à la maison, qui ne bougent pas. Mais elle fait l'historique de tout cela en partant depuis l'Antiquité et donc depuis même la préhistoire. Et elle fait cette grande fresque de l'histoire de la société, on peut dire, depuis la préhistoire. pour arriver à l'heure actuelle. Et elle dit une chose qui est très très très juste, c'est que ce sont les femmes, elles sont certes, elles sont brimées, elles restent à la maison, mais ce sont elles qui élèvent les enfants et ce sont elles qui gardent, qui élèvent les garçons notamment. Et surtout les garçons, parce que c'est celles qui continue le système. Et étant donné, en fait, et ça c'est et en élevant les garçons, moi tellement oui. tellement de fois, c'est tellement juste. Et en élevant les garçons, c'est là où elles ont le pouvoir sur ces garçons qui resteront jusqu'au bout attachés à leur mère, et c'est leur façon uniquement là de pouvoir exercer ce rôle important. Oui. Zvetan Todorov, on peut dire que ce livre aujourd'hui plus que jamais on peut le lire et le relire. Ah oui. Ce livre n'est pas de l'ethnologie non. au sens classique du mot. C'est un livre écrit avec beaucoup de liberté, oui. beaucoup de drôlerie aussi, et qui de plus offre une grande interprétation, une grande hypothèse sur l'histoire de l'humanité, et plus particulièrement l'histoire des civilisations méditerranéennes, parce qu'elle montre que le passage au néolithique, si on peut employer ce mot savant dans votre émission, c'est-à-dire le moment où les paysans se fixent sur place et commencent à faire de l'élevage et pratiquer les cultures. À se sédentariser. Oui. Ce passage est aussi le moment où on passe d'un système de parenté à un autre. Parce que sous le paléolithique, c'est-à-dire l'époque de chasse et cueillette, il faut se relier aux autres, aux étrangers. Et donc on pratique les mariages avec les inconnus, lointains. À partir du moment où on se sédentarise, on veut pratiquer le mariage avec les proches pour que l'héritage reste dans notre famille. Le garder. Et l'hypothèse de Germaine Tillon, qu'elle rappelle à la fin de ce dernier livre qu'elle a écrit, Il était une fois l'ethnographie, c'est que aujourd'hui, nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle phase d'exogamie, c'est-à-dire de contact avec le lointain, et que nous devons apprendre à vivre selon cette nouvelle manière. Si on ne reste que chez nous, on est condamné. Mais on va laisser nos auditeurs découvrir absolument ce livre et ces deux livres de Germaine Tillion. Il était une fois l'ethnographie et puis le harem et les cousins. En tout cas, c'est une femme qui est intervenue dans la vie publique, une ethnologue dans la cité, on peut le dire. Elle croyait surtout, il faut le rappeler aujourd'hui, là aussi plus que jamais, en l'éducation dans le monde entier. Dépenser davantage pour l'éducation si on veut sauver l'avenir de l'homme, c'est ce qu'elle disait. Et donc, je vous propose d'entendre une dernière fois sa voix par rapport à cette... cette entraide qui était importante et qui a été nécessaire pour elle. L'émission À voix nue, Jean Lacouture, 15 janvier 1997. À mon sens, moi, si j'ai survécu, c'est par hasard. En plusieurs occasions, j'ai failli mourir. J'ai été quand même sauvée. J'ai été sauvée par beaucoup d'aide autour de moi. J'ai été aidée. J'ai aidé des camarades et beaucoup de camarades m'ont aidée. Merci à tous les deux, Zvetan Todorov. Françoise Aubel, merci. Je rappelle l'exposition « Quatre vies en résistance » présentée au Panthéon par le Centre des Monuments Nationaux depuis le 8 mai jusqu'au 10 janvier 2016, en précisant que du 28 mai au 31 mai, l'exposition sera gratuite pour tous et avec un dispositif numérique interactif pour comprendre ce que résister veut dire. Et puis bien sûr, tous les livres, Germaine Tillion, « Fragments de vie au seuil », Germaine Tillion, « À la recherche du vrai, du juste, toujours au seuil » et d'autres livres formidables à retrouver sur notre site. Je veux citer quand même aussi le CD Radio France INA, Les femmes au Panthéon, où on entend Germaine Tillion dans tous ses À voix nues et donc l'ampleur de sa vie dans la collection Grandes Heures et puis le livre de Patrice Gélinet, La libération des camps chez Acropole et INA où on découvre là aussi des pans de la vie de Germaine Tillion. Merci, mais vous restez avec nous, l'émission n'est pas finie. France Culture, La marche des sciences. Aurélie Luneau. Seconde partie de la marche des sciences, actualité des sciences et de leur histoire, avec tout d'abord la revue des nouvelles. Et pour commencer, donc, le choix d'Anaï Morales, l'archive du jour. Elle a choisi de revenir sur la première traversée de l'Atlantique en solitaire réalisée par Charles Lindbergh sur le Spirit of Saint-Louis en mai 1927 et son arrivée triomphale au Bourget le 21 mai. Né le 4 février 1902 à Détroit, Charles Lindbergh fut un des pionniers américains de l'aviation. Et après un vol sans escale et en solitaire, eh bien, il avait réussi à relier New York et Paris en 33h30 entre le 20 et le 21 mai 1927, surnommé l'aigle solitaire. Il entra dans la légende. Je vous propose d'écouter sa voix lors de la réception donnée en son honneur à Washington. C'était le 11 juin 1927. Et puis, suivi du témoignage souvenir d'un admirateur français, interviewé bien des années plus tard, le 9 février 1956, par le célèbre homme de radio André Gillois, dans son émission Soyez témoin. When I landed at Le Bourget a few weeks ago, I landed with the expectancy and the hope of being able to see Europe. Voici maintenant Monsieur Gordini. Monsieur Gordini, vous m'avez écrit que vous aviez un souvenir très précis de l'arrivée de Lindbergh, alors j'ai hâte d'entendre votre témoignage. Eh bien voilà, Monsieur Gillois. C'était au mois de mai 1927. Une dizaine de jours après l'envolée tragique de M. Nugent Cerecoli, les journaux rapportaient qu'un Américain, un jeune Américain de 26 ans, allait tenter la traversée tout seul et s'en passionner. Alors, le lendemain soir, 21 mai, vers 8 heures, après avoir dîné, j'ai dit à ma femme, je vais m'en aller, je vais voir l'arrivée de Lindbergh, je suis sûr qu'il arrive. Je suis monté sur un tremplin et pour mieux voir la piste. Au moment donné, j'entends un avion qui tourne, il tourne, mais il était tellement petit que je ne m'imaginais pas que c'était Lindbergh, parce que moi, je pensais que c'était un avion de grande envergure. Et puis alors, la foule a commencé à crier, « Oui, c'est lui, c'est lui, c'est lui !» Et puis alors, ils ont abattu les barrages à grillagés, et moi, j'ai traversé, puis j'ai couru, et je suis arrivé quand même à pénétrer. Arrivé à l'avion, et puis j'avais déchiré, oh, mais il y en avait d'autres qui étaient arrivés avant moi, j'ai déchiré un petit bout d'étoile. Et puis j'avais retiré des fils, c'était des fils de soie, que je n'ai fait cadeau à droite et à gauche. Voilà. Vous avez pris comme souvenir un morceau de l'avion. Comme souvenir, évidemment, M. Gillois. Je dois dire que le lendemain, on a retrouvé en effet l'avion complètement déchiré. Oh, bah non, il y en avait 4-5 qui étaient arrivés à un moment. Ben, merci infiniment, M. Gordini. C'est moi qui vous remercie, M. Gillois. Eh oui, c'était un bel exploit de Charles Lindbergh et un exploit qui suscita l'engouement et propulsa Lindbergh au rang de célébrité et lui permit aussi de participer au développement de l'aviation commerciale américaine. Et l'actualité des sciences et de l'histoire, c'est aussi la carte blanche de Catherine Decopé. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors vous avez choisi de nous parler aujourd'hui du salon culture et jeux mathématiques qui se tiendra à Paris à partir de jeudi prochain, un salon parrainé par Jean-Pierre Luminet. On parle souvent des mathématiques en effet comme d'une discipline traumatisante et certains œuvrent pour que cela change en proposant de nouvelles approches par le jeu, l'art ou encore l'histoire des sciences. Et c'est le cas de ce salon organisé chaque année à Paris depuis 1999 par le Comité international des jeux mathématiques. Il est ouvert aux groupes scolaires comme au grand public et il propose des compétitions de jeux, des manipulations, des conférences, des projections de films, des pièces de théâtre, bref, tout ce qui peut contribuer à replacer les mathématiques dans la culture au sens large. Alors dans toute cette offre variée, vous avez choisi, Catherine, de porter votre regard sur une conférence, je crois. Oui, en l'occurrence une conférence sur l'histoire du chiffre et de sa représentation. Vaste sujet, vous entendrez dans quelques minutes l'une des deux intervenantes de cette conférence, Valère-Marie Marchand, qui est spécialiste de calligraphie et auteur du livre Le Verbe Géomètre aux éditions alternative. Mais avant cela, quelques mots sur les objectifs de ce salon, avec Marie-Josée Pestel, qui est la présidente de ce Comité international des jeux mathématiques. La thématique choisie pour la 16e édition du salon, c'est la lumière, en référence à l'année de la lumière décidée par l'UNESCO. Mm-hmm. Marie-Josée Pestel nous en dit un petit peu plus tout de suite. Il y a beaucoup de façons de penser lumière. Alors, on l'a essayé justement de voir ces différentes façons, sur le plan historique bien sûr d'abord. Qu'est-ce qu'était la lumière? La vitesse de la lumière, ce qui n'était pas du tout évident pour les hommes qui nous ont précédés. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi le siècle des lumières. Et puis il y a la lumière à travers les arts, la lumière à travers la peinture, la lumière à travers un tas de choses. Donc, ce n'est pas les chemins qui nous manquaient. Qu'est-ce qui a le plus de succès sur ce salon chaque année, qui est un événement récurrent ? Ce sont sans doute les jeux, oui, le stand de Didacto avec la multitude de jeux pédagogiques et actifs qu'il a, bien sûr, a beaucoup de succès. Il y a aussi des stands qui ont un succès assuré, c'est le stand de magie, maths et magie mathématiques. Le stand de graines de maths pour les plus petits, le samedi et le dimanche, c'est extraordinaire parce que les enfants font vraiment des mathématiques et les parents regardent et je trouve que ça, c'est passionnant. Voilà. Marie-Josée Pestel, l'une des vocations de ce salon, c'est aussi d'ouvrir le public sur l'international? Oui. Oui, c'est une très belle occasion parce que ce salon, c'est un lieu de rencontre et rencontre entre les différentes régions, en particulier le Québec. Et l'association SMAC, avec à sa tête Jean-Marie de Coninck, qui est à la fois un grand diffuseur de mathématiques et un grand mathématicien de l'Université Laval de Québec, c'est tout à fait engagé dans la diffusion de la culture mathématique et entre autres en écrivant ces deux pièces qui vont être présentées sur le salon. L'une, c'est Pluton va en appel et puis la deuxième, c'est Pluton a disparu. Moi, Pluton, je me trouve très, très loin du Soleil. Depuis ma découverte en 1930, je faisais partie du cercle privilégié des planètes de notre système solaire, même si j'étais la plus petite des neuf. Or, en 2006, suite à un vote serré, l'Union internationale d'astronomie a décidé de m'enlever mon titre de planète. Elle a plutôt choisi de m'attribuer le statut de planète naine. J'ai du mal à accepter cette décision impitoyable. Je veux donc aller en appel. Mais j'ai peur. Est-ce que je vais pouvoir compter sur l'appui des quatre planètes rocheuses? Et à la fin de ce spectacle, je ne sais pas si on peut le dire, mais c'est le public qui doit juger et qui va voter pour savoir si Pluton est vraiment encore une planète. Mais qu'est-ce que je vais devenir? On attire beaucoup l'attention cette année. On voudrait vraiment que nombreux soient les jeunes lycéens ou même pas lycéens qui viennent parce que sur le salon, c'est une occasion vraiment de se poser des questions d'orientation. L'orientation vers les études scientifiques est un vrai problème pour les garçons et pour les jeunes filles qu'il ne faut pas oublier dans ce combat. Il y aura même des speed meetings, c'est-à-dire des rencontres jeunes avec des chercheurs ou des professionnels de mathématiques. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour que les jeunes viennent et je pense passent des moments non seulement intéressants mais passionnants pour leur carrière. Ils se posent des questions pour ce qu'ils vont pouvoir faire. Valère-Marie Marchand, vous allez participer au prochain salon Culture et Jeux Mathématiques dans le cadre d'une conférence que vous donnez avec une artiste enlumineur sur la thématique du chiffre. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quel est le lien finalement entre cette culture mathématique et le chiffre? Là, je fais une conférence avec une artiste qui s'appelle Siloé, donc qui fait de l'enluminure. Donc l'objet de la conférence, ça va être vraiment l'atelier du nombre, l'atelier du chiffre, en tant que source d'inspiration graphique, métaphysique et philosophique. Pourquoi la représentation de certains chiffres nous émerveille en tant que spectateurs et pourquoi cette planète des chiffres a mis autant de temps à être finalement à faire son apparition aussi dans les manuels de typographie, à prendre sa place. On passe devant les chiffres tous les jours, mais nous ne les voyons pas. Le jeu va être de voyager parmi des œuvres d'art, de grands artistes ou des œuvres anonymes. Donc des œuvres qui mettent en lumière le chiffre? Qui mettent en lumière le chiffre ou dans lesquelles le chiffre est un peu un passager clandestin. Par exemple, en ce qui me concerne, je vais parler du carré magique de Dürer, dans la gravure La Mélancolia, et il y a ce carré magique qui intervient. Alors, on dit que c'est le premier carré magique qui aurait été imprimé et visible, vraiment, qu'un artiste se soit amusé avec ce fameux carré magique. Carré magique, donc, c'est, pour expliquer un petit peu au public, la somme de tous les chiffres d'une ligne est toujours égale. Donc, pour le carré magique de Dürer, c'est la somme 34. Ce qui est un peu plus intriguant dans ce carré magique, c'est qu'on voit apparaître la date 1514. 1514, c'est aussi la date de la mort de sa mère. Peut-être a-t-il pensé à la mort de sa mère, peut-être aussi a-t-il pensé à la mélancolie du chercheur par rapport justement à une sorte de fatalité chiffrée, puisque quand vous aboutissez toujours à la même somme, c'est un peu l'histoire aussi de la fatalité. Donc il y a la recherche, l'interrogation vis-à-vis de notre devenir et vis-à-vis aussi de sa propre vie. Quand on se plonge dans l'histoire du chiffre, on n'est pas toujours dans quelque chose de très abstrait? Non, pas du tout, c'est l'inverse. D'où l'intérêt de s'interroger sur la représentation du chiffre. On s'aperçoit au contraire, c'est très très très concret. Le signe plus, en fait, ça vient du mot « et ». On a ôté le « e » et ça a donné une croix, tout simplement. C'est très pragmatique, c'est très pratique, très amusant, très vivant. C'est cette notion que vous allez essayer de faire passer dans votre conférence la semaine prochaine ? Je vais essayer, oui. On va essayer, on est deux, parce que c'est une conférence à deux voix, de faire passer vraiment un voyage au pays des chiffres à visage humain. C'est un imaginaire, c'est un potentiel de créativité et de réflexion aussi, sur ce qu'est la science, ce qu'elle peut être et où elle peut nous amener dans des chemins qu'on ignore. Si on apprenait l'histoire vivante des mathématiques avec, en montrant justement des personnages qui sont comme des personnages de romans, eh ben, brusquement, vous avez une autre vision et de la science et de l'histoire et de ces fameux chiffres qui nous semblent si abstraits. D'où qui peut donc des familles heureuses. Alors Catherine, donc pour ceux qui souhaiteraient aller concrètement voir ce salon culture et jeux mathématiques, rendez-vous. Les dates, la semaine prochaine du 28 au 31 mai, oui. C'est Place Saint-Sulpice à Paris et donc toutes les informations, on pourra les retrouver sur le site. Bien sûr, comme d'habitude, de l'émission franceculture.fr, rubrique La Marche des Sciences, puis archives et vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours ou mieux la télécharger pendant un an. Et c'est la fin de ce numéro de La Marche des Sciences. Merci bien sûr de votre fidélité, de vos réactions à tous. Merci à toute l'équipe, Catherine Donnet, Catherine Decopé, Céline Duchesnet, Anaï Morales et Marie Chauveau-Delina, Sandrine England de la documentation sonore de Radio France. Et je remercie aussi Isabelle Gourlet du Musée de l'Homme, dont la réouverture est prévue pour le 17 octobre. À la réalisation, Alexandra Malka, à la technique aujourd'hui, Joël Le Guénec. Et puis une information importante, la semaine prochaine, rendez-vous à ne pas manquer, surtout pour les lycéens. Nous vous proposons une émission spéciale préparation au bac SVT, Sciences de la vie de la Terre, dans une semaine spéciale bac. Trois sujets pour les terminales S et les premières ES et L sont d'ores et déjà en ligne sur notre site. Et vous pouvez nous renvoyer vos copies si vous le souhaitez et même, pourquoi pas, participer à l'émission. Conseils et corrections auront lieu en direct jeudi prochain en compagnie de deux enseignantes, Pauline Pépin et Natacha Ouvrier, et avec le président du Musée de l'Homme, Gilles Boeuf.